Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir, acclamer notre Dieu qui mérite la louange? En même temps, il mérite notre adoration. Est-ce qu'il y a un cœur qui peut élever sa voix et adorer ce grand roi, le roi de l'humanité, le créateur de toutes choses, visibles et invisibles, le commencement et la fin, l'alpha et oméga? C'est lui notre Dieu. Il a été là avant toute chose et il sera là après la fin de toute chose. Notre Dieu est infini. Est-ce que quelqu'un peut élever ce grand roi? Élève ta voix et adore notre Dieu. Adore le Dieu tout-puissant. Nous t'élevons, nous t'adorons ce soir. Nous savons que tu mérites. Sois béni, sois élevé. Tu mérites au-delà de mon adoration. Tu mérites au-delà de ma louange. Voilà pourquoi je lève. Toi, Seigneur Jésus. Bolingo na yo. Thank you. présence ce soir. Ta présence est un privilège. Ta présence est une faveur. Nous rencontrons des hommes sur la terre, de quelque nature qu'ils soient. Mais il n'y a aucun qui est semblable à toi. Oh, cette femme pouvait dire, je reconnais mon bien-aimé. Au milieu de 1000 personnes, au milieu de 7 milliards de personnes sur la terre, je sais te reconnaître, Seigneur. Quand tu passes quelque part, je sais te reconnaître. Amen. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Depuis le matin, nous comptons ton amour. Depuis janvier, nous comptons ton amour. Depuis lundi, nous comptons ton amour. Quel autre Dieu est semblable à toi? Quel autre Dieu est comparable à toi, Seigneur? La nuit, tu nous aimes. Le matin, tu nous aimes. La journée, tu nous aimes. Oh, sois béni, Seigneur. Sois élevé. Sois glorifié, Seigneur. Tu es tout ce que nous avons comme richesse. Tu es tout ce que nous avons comme solution, comme assurance vie, comme garantie vie. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia. Bilaka opesanga, bilaka opesanga. Oh, merci. Na bomba na motema, ata eumeli nango, suka suka e koko kisama. Je ne perds pas conscience, mon thème est jeune à mon lèvre. Bon aïe, bizarre, mais à l'Ola. Rosa, moto, c'est pour le prochain. Tunaweza kusimamia wima na kutsapa tena. Tunaweza kumtapia Bwana kofi. Oh, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. Alléluia. Amina. Nous sommes dans la chambre haute. Tunakuya katika chumba ya juu. Nous continuons à chercher la face de Dieu. Tunaendelea tafuta buso bwa Mungu. Nous continuons à prier. Tunaendelea kuomba. Nous continuons à attendre la promesse de Dieu. Tunaendelea kuchunga ahadi ya Mungu. Et ce jour-là, na hiyo siku, Pierre posait des questions. Petro aliweza kuswali. Seigneur, est-ce que c'est le temps? Bwana imekuwa wakati. Est-ce que ce n'est pas le temps? Hawa ina wakati. Ça sera quand? Itakuwa wakati gani? Où est l'armée? Inakuwa ni wapi chesi? Jesus anino attendez à Jerusalem. Yesu akamwambia semsubiri katika Yerusalemu. Il y a quelqu'un qui vient. Kuko mmoja anakuja. Vous aurez la réponse à votre problème. Na mtapokea jibu kushida. Oh, il y a quelqu'un qui vient. Kuko mmoja heko na karibia. Israel marchait comme ça dans la vie. Israel ilianza kutembea vile ndani ya maisha. Chaque fois qu'il y avait un problème difficile. Kila mara kulikuwa shida gumu. Il se disait quand le Messie viendra, il va le résoudre. Wao wakasema wakati Messie atakuwa ataleta jibu. Quand le Messie viendra. Wakati Messie atakuja. Wakati Kristo atakuja. Jado Mwamba et bien la partie pour ces 10 jours de la chambre haute qu'organise l'église. Consolateur. Asema tena kuna kwa mwingine. Consolateur. Mwenye ataweza moi viendra. Ni kusema tena mwingine kama mimi atakuja. Na mtapokea jibu kwa shida yenu. Profitons de ce moment. Wapendwa tupokee hiyo wakati. Dieu ne fait rien pour rien. Mungu asifanye kitu kwa bure. Alléluia. Amina. Il ne fait rien pour rien. Asifanye kitu kwa bure. Celui qui a créé le temps. Mwenye aliumba nyakati. Tout le monde est soumis au temps que Dieu a créé. Wote wanafuata hiyo wakati Mungu aliumba. Donc il sait ce qu'il est en train de faire. Amejua nini heko natenda. Ce soir, nous avons le privilège, je vais vous présenter l'orateur de ce soir. J'espère que la technique va nous aider. Technique na mais avant cela, je voulais recevoir mes bien-aimés. Mbele ya hiyo mitapokea wa pena wangu. Josie yenye na msindikiza. Je n'ai pas eu le nom, mais je vous aime, rassurez-vous. Sina na jina, je, lakini je vais retenir le nom très, très bientôt. Na, est-ce que tu peux se lever? Nous avons pas le prophète. Est-ce que vous pouvez se lever, on peut les recevoir. Tunaweza kuwapokea, kuwapikia kofi. Mungu amebariki kwa utele. Mungu amebariki. Alléluia. Amina. Nous sommes bénis. Tuko wenye kubarikiwa. Par la présence de l'homme de Dieu et de son épouse. Kwa uwepo wa mtumishi wa Mungu na mke wake. Mama, que Dieu vous bénisse abondamment. Mama, Mungu amebariki kwa utele. Elle a dit non, je viens aussi. Na yakasema nami niko na kucha. Naenda kuchemchemu la uzao. J'aime cet homme. Nampenda huyo mtu. Je sens que mon cœur est de plus en plus attaché à lui. Nasikia moyo wangu inesha kuambatanisha naye tena zaidi. Et Dieu est en train de faire de grandes choses. Na Mungu yuko anafanya vitu kuu. Dieu continuera à faire de grandes choses. Anaendelea kufanya vitu kuu. Alléluia. Amen. Bon, je reçois d'abord maman. Maman. Et puis on va recevoir les pasteurs. C'est Maman Jolie. Maman Jolie. C'est la femme du prophète. Est-ce qu'on peut l'accueillir correctement? Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'encourager. C'est la première fois qu'elle vient dans notre église. Est-ce qu'on peut sentir votre chaleur, votre amour? Amen. Maman Jolie, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On est content de Mungu vous voir bariki, à côté du prophète. Veuillez vous asseoir. Et nous allons demander à la technique. J'espère que tout est prêt. Nazania kusema yote ni tayari. Tu vas nous aider à présenter l'orateur de ce soir. Watatusaidia kuonesha mhubiri wa magharibi ya leo. La technique. Le prophète Jado Mwamba est de la partie pour ces 10 jours de la chambre haute qu'organise l'église Source Féconde. Né un certain 21 mars d'une certaine année, le prophète Jado Mwamba a donné sa vie à Jésus depuis son jeune âge jusqu'à s'attacher aux activités chrétiennes durant son parcours. Titulaire d'une licence en gestion financière de l'université de Lubumbashi, le prophète Jado est marié à ce jour à Maman Jolie Mwamba avec qui il a une jolie fille. Prédicateur de l'évangile, conseiller spirituel et encadreur dans plusieurs domaines parmi lesquels le ministère, la politique, la vie conjugale, l'entrepreneuriat. Le prophète Jado est également président fondateur de l'ONG Agapao œuvrant à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Pendant que je suis en train de parler, j'étais bu également, j'étais bois à genoux. Mais pendant que j'étais bois à genoux, j'ai bu plusieurs personnes. Donc. Et ce sont les membres de ta famille. Pourquoi? Parce que j'ai vu juste à tes côtés un homme par terre. Et il y avait des gens qui étaient en train de pleurer. Et j'ai vu ta mère qui était en train de pleurer en disant, plutôt comme tu es parti, qui va prendre en charge la famille? Voici. Amoureux de Christ, passionné de la méditation de la parole de Dieu, le prophète Jado a une vocation au ministère prophétique et il est également doté d'une grâce particulière lui permettant d'orienter des vies selon la parole de Dieu et d'exercer avec précision et puissance dans le prophétisme. Église Source Féconde, lèvons-nous et accueillons ensemble l'homme de Dieu. Acclamer le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Tu es en train d'acclamer pour les prophètes. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Tu peux bien d'ajouter les milolo. Tu peux bien d'ajouter les cris de joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Come on, acclame encore le Seigneur Jésus. Célèbre encore le Tout-Puissant, le Dieu qui est descendu à la chambre haute. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Mandala daba yaba daba daba daba daba. Mandala daba daba daba daba daba. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Come on. Mandala daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba. Kawe ziminibas. Wandele sausambo. Mandulwe sambo. Wenda wenda wa sambo loko kwa sambo. Mwanete uke sanga tamayendo. Lungwe singa tabayanga tumulungwe sambo. Mwambila we sambo tete. Dongwe zenge. Kulungu wa sanga na mulungu wanga sumwe tembote. Uwinge neme yanga si mulungu wanga sumwe. Mwane duwange za wanda la wante. Wow. Wow. Wow. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, bienvenue à la chambre haute. Bienvenue à la chambre haute. Bienvenue à la chambre haute. Dis à ton voisin, ce soir, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Dis, ce soir, ma vie sera transformée. Ce soir, le Saint-Esprit va transformer ma vie. Ce soir, le Saint-Esprit va transformer ma vie. Ce soir, le Saint-Esprit va transformer ma vie. De la même façon, tu es en train de déclarer cela. Que le Saint-Esprit te transforme au nom de Jésus. Wow. On va se rasseoir. Wow. Que le Seigneur nous fera beaucoup de bien ce soir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Je ne te salue pas, je suis en train de te bénir. Dis à ton voisin, le prophète te bénit. Je suis dans la joie de parler devant vous. Je crois que ce soir, le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Je suis dans ma maison. Est-ce qu'on peut arranger mon micro? Je me sens dans la joie à chaque... ici à la c'est ma famille et on veut arranger. Alléluia. On m'entend très bien? Ok. Je disais que je suis dans ma famille, j'aime cette église, j'aime beaucoup les fidèles de cette église, j'aime votre sensibilité spirituelle, j'aime le sens de l'honneur que vous manifestez à toute personne qui vient ici. Et je crois que le Seigneur va vous récompenser ce soir. Je salue toutes ces personnes qui nous suivent sur les réseaux, qui vont suivre les lives sur YouTube et sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis merci à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde de parler devant vous. J'étais en train de suivre ce moment de prière. Depuis le début, j'ai suivi les pasteurs, les apôtres, les docteurs qui ont intervenu avant moi. Et j'étais en train de dire, qu'est-ce que je vais donner encore? Je me disais, bon, quand je viendrai là-bas, je vais directement prophétiser. Et pendant que j'étais en train de préparer ces moments, le Seigneur a déposé un fardeau dans mon cœur. Et je crois que le Seigneur va te bénir. Il faut recevoir les quelques mots que je vais placer dans l'atmosphère. Après, nous allons prier. Je dis merci au pasteur Désiré Mbaye. Merci beaucoup, papa. Merci à maman Elvire. Est-ce qu'elle est là? Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Une maman très bien qui aime ses enfants. Merci beaucoup, maman. Merci pour votre cœur. J'aime quand elle écrit. Elle note tout. Donc chaque phrase, quand tu ajoutes l'écrit, tu ajoutes l'écrit. Donc je l'aime beaucoup. Merci à ma femme qui m'a accompagnée, Jolie Mwamba. Est-ce qu'on peut encore la recevoir pour moi? Partout où on m'invite pour la première fois, je vais seul pour observer le traitement, la manière dont les choses vont se passer. Et après, quand je me rassure, je viens maintenant accompagner avec l'équipe complète. Il y a l'adoratrice Teila, c'est ma fille, elle est là aussi avec nous. Et je crois que le Seigneur va bénir sa vie. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, Grady, Lévi et les autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, on va lire la parole de Dieu. Notre passage de base, est-ce qu'on peut mettre ça pour nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Il y a une personne? L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? » C'est 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Encore une fois. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen. Amen. Alors dis à ton voisin qui n'a pas de quoi écrire, voisin, ce n'est pas sérieux. Dis le voisin, ce n'est pas sérieux. Il faut les bouger, voisin, voisin. C'est de toi que le prophète est en train de dire. Dis, voisin, on ne vient pas dans la maison de Dieu sans de quoi écrire. Dis, voisin, ce n'est pas sérieux. Dis au voisin, le dimanche, il faut chercher de quoi écrire. Nous sommes dans la maloba pour moi. Voici les sous-thèmes que je vous propose ce soir. Comprendre la présence de Dieu pour mieux exprimer. Non, comprendre la présence de Dieu pour mieux expérimenter et manifester sa puissance. Comprendre la présence de Dieu pour mieux expérimenter et manifester sa puissance. Alors que nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, la chambre haute, ces passages que nous avons lus parlent de la puissance de Dieu. À chaque fois que la Bible parle du mot revêtement, la Bible fait allusion à la puissance de Dieu. Et ce soir, le Seigneur m'a dit de vous parler de la compréhension de la présence de Dieu pour mieux expérimenter et manifester sa puissance. D'abord, il y a une catégorie de personnes qui doivent expérimenter sa puissance et une autre catégorie qui doit manifester cette puissance. Après avoir marché avec le Seigneur pendant 11 bonnes années, j'ai observé au milieu de l'église beaucoup de choses. J'ai assisté à des cultes où les gens témoignaient sans que je ne sois sur la liste des personnes qui témoignaient. J'ai assisté à des cultes où les voisins pouvaient dire « Dieu m'a touché » alors que moi j'étais à côté, je n'ai pas expérimenté la chose. J'ai également vu beaucoup de chrétiens qui sont venus à l'église, les voisins à côté en train de prier en langue. L'autre n'a jamais expérimenté cela. J'ai assisté à des prières où les uns étaient en train de prophétiser et d'autres étaient en train de regarder. Et j'ai commencé à réfléchir sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand les voisins à tes côtés témoignent la fidélité de Dieu? Mais toi qui viens à l'église, tu n'as jamais témoigné. Qu'est-ce qui se passe pendant un culte? Il y a une catégorie de personnes qui sont guéries et d'autres ne le sont pas. Qu'est-ce qui se passe pendant un culte? Il y a une catégorie de personnes qui sont touchées par la puissance et d'autres n'ont jamais vécu cette manifestation. Le problème, c'est la compréhension de la présence de Dieu. Et le Seigneur m'a dit de vous parler de comment sa présence se manifeste, de comment comprendre sa présence pour expérimenter et manifester sa puissance. Est-ce qu'on peut me dire amen? J'ai vu à l'église beaucoup de chrétiens sans puissance. J'ai vu beaucoup de chrétiens sans impact. J'ai vu beaucoup de chrétiens en train de vivre des oppressions. J'ai vu beaucoup de chrétiens en train de venir à l'église tous les jours et rentrer avec leur maladie. J'ai vu beaucoup de choses au milieu de l'église. Beaucoup de personnes commencent à se décourager tout simplement parce que depuis que je suis venu à l'église, je n'ai jamais témoigné. Mes problèmes de 2024 continuent jusqu'aujourd'hui en 2025. Mes problèmes de 2022 continue jusqu'aujourd'hui en 2025. Ma requête au sujet du mariage, depuis l'année 2016, jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à prier pour le mariage. C'est quoi les problèmes? La compréhension de la présence de Dieu. Et je veux que vous puissiez très bien me comprendre. Il y a beaucoup de personnes ici qui viennent. Les voisins prient en langue. Toi, tu ne pries jamais en langue. Alors que vous êtes dans un même culte, tu peux venir avec ta maladie. Le voisin est guéri, toi, tu n'es pas guéri. Le voisin témoigne avoir touché les dieux de la source féconde, mais toi, tu n'as jamais expérimenté la chose. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le manque de compréhension de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Les problèmes commencent à ce niveau. Beaucoup de personnes veulent La puissance de Dieu met refuse de chercher sa présence. Beaucoup de chrétiens refusent la présence de Dieu, mais ils veulent expérimenter sa puissance. Beaucoup de chrétiens cherchent la main de Dieu, mais peu sont ceux qui recherchent la face de Dieu. C'est ainsi qu'il y a peu de miracles aujourd'hui à l'église. C'est ainsi qu'il y a moins de guérisons à l'église. C'est ainsi qu'il y a moins de chrétiens puissants à l'église. Tout simplement parce que nous sommes à la recherche d'un Dieu puissant. Mais nous ne voulons pas être en contact avec sa présence. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Il y a deux catégories de personnes dans l'église. Ceux qui sont appelés à expérimenter la puissance de Dieu. Et ceux qui sont appelés à manifester la puissance de Dieu. La première catégorie des chrétiens sont ceux qui doivent expérimenter la puissance de Dieu. La deuxième catégorie des chrétiens sont ceux qui doivent manifester cette puissance. Mais dans tous les cas, à l'église, on ne retrouve pas des chrétiens qui expérimentent la puissance de Dieu. Moins encore ceux qui la manifestent. Le problème, c'est la compréhension de la présence de Dieu. Tu peux diminuer un peu? Voici. Ceux qui expérimentent la puissance sont touchés. Mais ceux qui la manifestent sont utilisés. Le Seigneur n'a pas besoin que des personnes qui seront touchées, mais il veut aussi des personnes qui seront utilisées. Beaucoup de personnes viennent à l'église pour être touchées par la puissance, mais peu sont ceux qui viennent à l'église pour être utilisés par la puissance. Ceux qui expérimentent la puissance témoignent. Mais ceux qui la manifestent transforment. Le Seigneur n'a pas besoin que des personnes qui seront en train de témoigner d'un Dieu puissant. Mais il veut aussi des personnes qui seront des canaux, que le Seigneur va utiliser pour transmettre sa puissance dans la vie d'autres personnes. Les personnes qui expérimentent la puissance de Dieu glorifient Dieu pour ce qu'il a fait pour. Ou celui qui expérimente la puissance de Dieu glorifie Dieu pour ce qu'il a fait pour lui. Mais celui qui expérimente la puissance de Dieu glorifie Dieu pour ce qu'il fait au travers de lui. Beaucoup de personnes, leurs témoignages sont limités. Tout simplement parce que vous glorifiez Dieu pour ce qu'il fait pour vous. Mais vous ne les glorifiez pas pour ce qu'il fait au travers de vous. Le Seigneur a besoin des chrétiens qui seront en train de témoigner pour ce qu'il a fait pour eux, également pour ce qu'il paiera au travers d'eux. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Celui qui expérimente la puissance de Dieu applaudit. Mais celui qui la manifeste affronte. Beaucoup de personnes ne veulent pas affronter leur réalité. Tout simplement parce que vous voulez uniquement expérimenter la puissance. Mais vous ne voulez pas la manifester. Dieu m'a envoyé ces sous pour engendrer une génération de personnes qui vont expérimenter et manifester la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux me dire amen? C'est soit tu vas expérimenter et manifester la puissance de Dieu. Le Seigneur veut que tu applaudisses et que tu apprennes également les réalités de ta vie. Celui qui expérimente la puissance est marqué par ce qui se passe. Mais celui qui manifeste la puissance sera une marque. Pourquoi? Parce que l'attention de sa génération sera sur lui. Le Seigneur peut faire de toi une marque. Le Seigneur peut faire de toi un modèle. Laissez-nous faire de toi un canal. Laissez-nous faire que les hommes soient en train de t'observer et témoignent Dieu pour ce qu'il sera en train de faire par toi. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Celui qui expérimente la puissance reçoit une réponse. Mais celui qui la manifeste devient une réponse. Est-ce que tu peux recevoir une réponse? Ou tu peux toi-même devenir une réponse? Ta famille a besoin que tu deviennes une réponse. Ton foyer a besoin que tu deviennes une réponse. Ton entreprise a besoin que tu deviennes une réponse. Nous sommes fatigués des personnes qui veulent avoir des réponses. On a besoin de personnes qui sont des réponses. L'église est remplie de personnes qui demandent. Mais l'église est en carence des personnes qui veulent manifester la puissance de Dieu. C'est soit tu seras celui par qui la puissance sera véhiculée. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux me dire amen? Que le Seigneur passe par toi pour toucher ta famille au nom de Jésus. Qu'il passe par toi pour toucher ton église au nom de Jésus. Que ton département devienne un département de feu à cause de ta présence. Quelqu'un me dit amen. Ne sois pas une réponse. Ne sois pas celui qui veut une réponse. Mais sois celui qui sera une réponse pour d'autres personnes. Le Seigneur peut faire de toi une réponse à la prière d'une personne. Il y a ton voisin est en train de prier pour la maternité. Sa réponse est dans ta bouche. Ton voisin est en train de prier pour un sujet du mariage. Sa réponse est entre tes mains. Celui qui refuse d'opérer par la puissance, c'est un homme égoïste qui ne peut pas donner des réponses à d'autres personnes. Beaucoup de personnes sont limitées dans vos familles tout simplement parce que vous ne voulez pas prendre la décision d'affronter les défis qui sont devant vous. Le Seigneur a besoin d'une génération qui paye le prix afin de devenir une réponse. Celui qui expérimente la puissance est rempli du Saint-Esprit. Mais celui qui la manifeste est revêtu du Saint-Esprit. Les passages que nous avons lus, ce n'est pas l'histoire d'un homme qui expérimente la puissance. C'est l'histoire d'un homme qui est en train de manifester la puissance de Dieu. Beaucoup de personnes se limitent au niveau de l'expérience. Vous voulez que Dieu passe pour vous, alors que Dieu veut faire au travers de vous. Le Seigneur veut faire de toi un instrument de miracle pour la vie d'une personne. Lorsqu'un homme aura besoin d'un miracle, il va se tourner vers toi. Parce que tes mains... Wow. Le Seigneur me dit de dire à l'église, le temps est arrivé où sa puissance sera manifeste au milieu de vous. Le temps est arrivé où tu ne vas plus courir devant les hommes de Dieu, mais toi-même tu vas manifester la chose. Le temps est arrivé où les intercesseurs vont se reposer. Mais les chrétiens seront des chrétiens puissants qui manifestent la puissance de Dieu. Le temps est arrivé où ta vie sera malade. Toi, parent, tu vas imposer les mains et la maladie va disparaître. Le temps est arrivé où dans ta famille, on dira, notre sœur, prie un Dieu vivant, un Dieu puissant. Le temps est arrivé à cette Pentecôte. Le Seigneur me dit, il te donne un rendez-vous à la puissance. non pas pour que tu l'expérimentes, mais pour que tu la manifestes. Tu vas manifester la puissance ce soir. Voici maintenant. Pour être celui qui manifeste la puissance, tu dois être celui qui l'expérimente d'abord. Tous ceux qui ont manifesté la puissance ont commencé par l'expérimenter. Tu ne peux pas être un canal si tu n'es pas celui qui vit d'abord la chose. Le Seigneur permet d'abord que tu sois celui qui va expérimenter une dimension pour qu'au travers de toi, cette dimension soit manifeste. Et c'est ainsi que l'ennemi est en train de travailler pour engendrer une génération de personnes qui n'ont pas de témoignage. L'ennemi est en train de travailler pour engendrer une génération de personnes qui n'expérimentent pas la puissance de Dieu. L'histoire de cet homme que nous avons lu, dans Juges chapitre 6, le verset 34, on parle d'un homme qui est revêtu de la puissance de Dieu. Mais avant d'être revêtu, cet homme a commencé par expérimenter d'abord la puissance de Dieu. Dans Juges chapitre 6, le verset 12, quelque chose se passe. Tu peux me lire? 11, 12. Comment? 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térubinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Avant de manifester la puissance de Dieu, cet homme a été en contact avec l'expérience de la puissance de Dieu. Il a d'abord expérimenté la puissance de Dieu avant d'être un canal par lequel Dieu devait passer pour bénir d'autres personnes. Les problèmes commencent au niveau où tu veux être utilisé par Dieu alors que tu n'as jamais eu de contact avec Dieu. Tu n'as jamais eu une expérience personnelle avec la puissance. Tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu seul à seul. Et c'est ainsi que tu ne peux pas être un canal de puissance pour les membres de ta famille. Tu ne peux pas être un canal de puissance pour ton église. Tu ne peux pas être un canal de puissance pour ton pays. Tu ne peux pas être un canal de puissance tant que tu n'as pas manifesté cette puissance individuellement. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? La puissance de Dieu que tu expérimentes dépend de la présence de Dieu que tu discernes. Pour manifester sa puissance, il faut comprendre d'abord sa présence. Pourquoi? Parce que Dieu ne libère pas sa puissance dans la vie des personnes qui ne discernent pas sa présence. C'est ainsi que nous sommes en train de parler, de comprendre sa présence pour mieux expérimenter et manifester sa puissance. Dieu est prêt. Il peut te donner l'expérience à sa puissance. Il peut te donner la manifestation de sa puissance, mais à condition que tu comprennes d'abord sa présence. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de personnes sont ignorantes de la personne de Dieu. Si on te pose la question, qui est Dieu pour toi? Quelle est la réponse que tu vas donner? Et c'est ainsi que tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. Dieu ne peut pas faire à ce que tu expérimentes sa puissance si tu ne connais pas sa personne. Voici. Dieu est présent dans la vie de tout chrétien. Mais il n'opère pas dans la vie de tout le monde de la même façon. Tout simplement parce que nous n'avons pas la même compréhension de sa personne. Il peut venir ici pour tout le monde. Mais il ne va pas toucher tout le monde. Parce que nous n'avons pas la même compréhension de sa présence. Comprendre la présence de Dieu te donne accès à la manifestation de sa puissance. Si tu ne connais pas la présence de Dieu, si tu ne sais pas discerner la présence de Dieu, tu ne peux pas expérimenter sa puissance. Il commence à agir dans ta vie en fonction de comment tu comprends sa présence. Est-ce qu'on peut me dire amen? Dieu est tout puissant dans la vie de tout le monde. Mais il ne manifeste pas sa toute puissance dans la vie de tous. Tout simplement parce que tout le monde n'entretient pas une relation avec sa présence. Tu ne peux pas vouloir expérimenter un Dieu tout puissant alors que tu ne connais pas ce Dieu. Tu ne peux pas vivre la manifestation d'un Dieu tout puissant alors que tu ne connais pas ce Dieu tout puissant. Beaucoup de chrétiens se limitent eux-mêmes. Beaucoup de chrétiens sont responsables de leur faiblesse spirituelle. Beaucoup de chrétiens sont responsables des oppressions qui leur arrivent. Tout simplement parce qu'ils ignorent la personne de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Voici maintenant. Pour être béni par la présence de Dieu, il y a trois grandes questions auxquelles tout croyant doit répondre. La première question, qui est Dieu pour moi? La deuxième question, comment savoir qu'il est présent? Et la troisième question, quelles sont les actions à poser lorsque sa présence se manifeste? Pour être béni par la présence de Dieu, il y a trois questions auxquelles tu dois répondre. Qui est Dieu pour moi? Comment savoir qu'il est présent? Et quelles sont les actions à poser lorsque Dieu est dans la salle? Certains ont défini Dieu comme celui qui parle uniquement au moyen de la parole écrite. C'est ainsi que Dieu ne peut pas leur donner des prophéties. Certains ont défini Dieu comme un Dieu faible. C'est ainsi qu'il ne peut pas manifester sa toute puissance. Les actions de Dieu dans vos vies dépendent de comment vous l'avez défini. Si tu l'as défini comme un Dieu qui ne peut pas donner un enfant, tu ne peux pas expérimenter cette dimension. Si tu l'as défini comme un Dieu qui ne peut pas te donner de l'argent, tu ne peux pas expérimenter cette dimension. Job a dit, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera et son rédempteur s'élève. Tu ne peux pas expérimenter Dieu si ta définition de sa personne est fauchée. Qui est Dieu pour moi? Comment savoir qu'il est présent et que faire lorsque sa présence se manifeste? Beaucoup de personnes ont dit qu'il est le Dieu d'ordre, alors que lui-même n'a jamais dit qu'il était le Dieu d'ordre. Beaucoup de chrétiens ont dit qu'il est le Dieu d'ordre, alors que lui-même n'a pas dit qu'il était le Dieu d'ordre. Il y a un passage biblique que les chrétiens ont mal lu. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 33. Come on. Corinthiens 14, le verset Et verset 33. Et si quelqu'un l'ignore, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Il n'a pas dit qu'il est le Dieu d'ordre. Pourquoi? Parce que ce que vous vous dites être ordre, pour Dieu, ça peut être un désordre. Et ce que vous estimez être un désordre, pour Dieu, ça peut être de l'ordre. Il a dit qu'il est le Dieu de paix. Tout ce que tu fais qui te procure de la paix est un ordre pour Dieu. Et beaucoup de chrétiens disent qu'il est le Dieu d'ordre. Alors lui-même, il n'a jamais dit qu'il était le Dieu d'ordre. Il a dit qu'il est le Dieu de paix et non le Dieu de désordre. Et c'est ainsi que dans nos cultes, les chrétiens ont mis dans leur pensée que Dieu est le Dieu d'ordre. Il y a certaines choses que nous ne devons pas faire. C'est parce que tu ne fais pas ces choses qu'il y a certaines manifestations qui sont loin de toi. Qui est Dieu pour moi? Comment savoir qu'il est là? Et quelles sont les actions à poser quand sa présence se manifeste? Écoutez bien, aimé prêt. Savoir que Dieu est présent n'est pas suffisant pour être béni par sa puissance. Lorsque Dieu est présent, il y a une action que l'homme doit poser pour bénéficier de sa présence. Si tu ne poses pas une action, Dieu peut être présent, mais toi, tu peux rentrer avec ta maladie. C'est la chose qui fait que beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Dieu se manifeste, mais ces chrétiens retournent à la maison avec leur maladie. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas l'action qu'ils doivent poser pour déclencher la guérison dans l'atmosphère qui s'est créée. Écoutez maintenant. Dans Jean chapitre 5, le verset 2 jusqu'au verset 5, il y a une histoire qui se passe. Cet homme assis à la piscine de Bethesda, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu descendait à chaque fois, mais la descente de Dieu n'était pas suffisant pour recevoir sa guérison. Il fallait que l'homme pose une action pour bénéficier de la puissance de Dieu. Dieu peut bénir en ces lieux, mais si tu ne poses pas l'action qui correspond, l'action qui correspond à sa présence, tu peux rentrer tel que tu es venu. Et c'est la chose qui explique pourquoi il y a moins de miracles à l'église. Le Dieu des miracles vient tous les jours. Le Dieu des guérisons vient tous les jours. Le Dieu des prophètes vient tous les jours. Mais seulement les chrétiens ne savent pas l'action à poser lorsque Dieu fait son entrée. C'est la différence entre celui qui reçoit son miracle et celui qui rentre sans le miracle. Qu'est-ce qui se passe pendant un culte? Quelqu'un dit « Amen, je reçois » et puis cette personne témoigne. Et une autre personne qui regarde rentre chez lui tel qu'il est venu. Écoutez, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, tout acte compte, tout acte contribue à la puissance qui va vous accompagner. Si tu sens que tu dois dire « Amen », il ne faut pas voir les voisins, parce que c'est ton amen qui est l'action qui correspond à la puissance que tu vas expérimenter. Si tu sens prier pendant que Dieu te demande de prier, mais toi tu te dis non, pendant ce temps ici c'est l'heure de la prédication, tu peux rater ton miracle. Pourquoi? Parce que dans ton intimité avec Dieu, Dieu veut que tu sois en train d'intercéder. Il peut que tu sois en train de prier en langue. Mais comme tu peux être comme ton voisin, tu vas rentrer tel que tu es venu. Dieu n'est pas le Dieu d'ordre, mais il est le Dieu de paix. Lorsqu'il déverse sa présence, il peut que les chrétiens soient sensibles à sa présence. Il veut que tu acclames quand il faut. Il veut que tu sèmes quand il faut. Il veut que tu pries quand il faut. Il dit que tu dis je reçois quand il faut. Si tu rates ces temps, tu peux rater ton miracle. Pendant que l'ange descendait, celui qui s'est jeté en premier, c'est cette personne-là qui témoignait. Sois béni au nom de Jésus. C'est lui qui dit amen en premier. Que cette parole s'attache à sa vie. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois tes finances au nom puissant de Jésus. Que les blocages s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus. Que les blocages s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus. Que la maladie te quitte au nom puissant de Jésus. La présence de Dieu. Savoir l'action à poser quand Dieu est présent. Beaucoup de chrétiens se limitent à ce niveau. Bien-aimés frères, vous avez assisté à des cultes très puissants, mais vous êtes rentrés en étant faible parce que vous n'avez pas posé les actions qu'il fallait. La vie des hommes a changé pendant des cultes. Beaucoup de personnes ont témoigné pendant des séminaires. Beaucoup de personnes ont témoigné pendant des moments de prière. Si tu ne témoignes pas, le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est toi. Dieu est venu. Il dit là où deux ou trois se réunissent en mon nom, j'ai bien. Parce que nous nous sommes réunis en son nom. Il est là dans l'atmosphère. Mais tu commences à vivre ton miracle lorsque tu sais l'action que tu dois poser. Pourquoi tu n'expérimentes pas la puissance de Dieu? Parce que tu ne fais pas l'action qu'il faut. Parce que tu ne poses pas l'action qu'il faut. Parce que tu ne sais même pas l'action que tu dois poser. Écoutez bien, mes frères. Lorsque Dieu vient, il te fait ressentir sa présence. Ce n'est pas pour rien que tu ressens l'atmosphère de Dieu. Dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu est en nous. Avant, la présence de Dieu était à l'extérieur. Après la restauration de l'homme, la présence de Dieu est en nous. À chaque fois que le Seigneur voudra te bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait ressentir sa présence. Écoutez bien les mêmes prières. Comment savoir que Dieu est là? Au moyen de l'atmosphère que tu ressens. À chaque fois que tu vas ressentir une atmosphère qui est étrange, tu dois savoir que Dieu est venu pour toi. Tout le monde ne ressent pas la même atmosphère. Tu ressens l'atmosphère de Dieu parce que tu as un rendez-vous avec ce Dieu. Dieu te fait ressentir l'atmosphère dans sa présence pour te donner un signal qu'il est venu pour toi. Écoutez bien, mes frères. Vous savez quoi? Ceux qui témoignent sont ceux qui perçoivent l'atmosphère de Dieu. Il y a des moments où tu vas venir. Tu sens quelque chose de bizarre dans ton corps. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu sens qu'il y a une paix qui est en train de circuler dans ton corps, dans ton cœur. Tu sens que ce qui se passe dans ton intimité, c'est quelque chose que les voisins ne peuvent pas comprendre. Il y a des moments dans ma vie où mon pasteur était en train de prêcher la parole, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de traverser mes mains. C'est le signe que le Seigneur m'a donné, qu'il était venu pour moi. Dieu vient pour tout le monde, mais seuls ceux qui perçoivent sa présence, qui peuvent être bénis par la manifestation de la chose. Si tu ne perçois pas sa présence, tu peux quitter ces lieux tels que tu es béni. C'est ainsi que un culte spirituel peut changer la vie des hommes. Beaucoup de destinées sont retardées à cause du manque de la présence de Dieu. Le Seigneur envoie sa présence pour résoudre un problème sur la terre. Et il devait ressentir sa présence. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Avant chaque œuvre divine, Dieu libère d'abord sa présence. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il commence d'abord par libérer sa présence. Si Dieu veut te bénir, il va d'abord te faire ressentir sa présence. Dans Genèse chapitre 1, les versets 2 et les versets 3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Après, Dieu a parlé. Dieu ne pouvait pas commencer la création sans d'abord libérer sa présence. Avant de créer, Dieu libère d'abord sa présence. Avant de te guérir, il relâche d'abord sa présence. Avant de te donner ton miracle, il se rassure que tu ressentes d'abord l'atmosphère de sa présence. Dans Luc chapitre 1, les versets 35, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. D'abord la présence du Saint-Esprit et puis la puissance est venue. Dieu ne peut pas te toucher par sa puissance s'il ne libère pas d'abord sa présence. Voici maintenant pour finir. On va prier. Ce soir, l'atmosphère que tu ressens, c'est une invitation que Dieu te donne. C'est un signe que Dieu te donne que ce soir, tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu. Si tu ressens quelque chose qui est différent de ton voisin, c'est que tu vas vivre quelque chose qui est différent. Tu ne vas pas quitter ce lieu tel que tu es venu alors que tu ressens cette atmosphère. Je ressens l'atmosphère de la présence de Dieu en ce lieu. Je ressens son atmosphère en ce lieu. Je ressens son atmosphère en ce lieu. Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 6, les versets 9 jusqu'au verset 11, voici donc comment vous devez prier. Vous direz que ton règne vienne. Dès que son règne a fait son entrée, vous pouvez maintenant demander, donne-nous notre pain quotidien. Ne demande pas si tu ne ressens pas d'abord son atmosphère. Dieu libère d'abord son atmosphère pour te donner l'ego. C'est pendant ce temps ici que tu dois commencer à demander. C'est lorsque tu ressens l'atmosphère de Dieu dans ton corps que tu dois faire des déclarations qu'il faut. Beaucoup de chrétiens se précipitent à prier sans ressentir l'atmosphère de la présence de Dieu. Que faire, prophète? Écoutez maintenant. Wow. Wow. Wow. Je vois les anges en ces lieux. Il y a des guérisons miraculeuses qui vont se passer ce soir. Il y a des guérisons miraculeuses qui vont se passer ce soir. L'action que Dieu te mettra à cœur d'épouser, pendant que je serai en train de parler, C'est ce que tu dois poser pour ne pas rater ce qui se passe. C'est soit le Seigneur sera en train de parler à chacun de vous alors qu'il a libéré sa présence. Wow. Je vois des enveloppes en train de tomber en ces lieux et beaucoup de personnes en train de signer des contrats. Dans les 2 mois qui arrivent, le nombre de témoignages qu'il y aura ici en termes de travail va déborder. Dans les 2 mois qui arrivent, le nombre de témoignages qu'il y aura en ces lieux, le nombre de témoignages qu'il y aura en ces lieux, le nombre de témoignages qu'il y aura en ces lieux. Wow. Wow. Le Seigneur me dit de dire à l'église, après ce moment de prière, priez, priez, priez encore. Parce que Dieu sera en train de visiter son peuple. Mais ceux qui vont rester à genoux après ce moment de prière. Il y a beaucoup de choses qui t'ont retardé. Il y a beaucoup de choses qui t'ont résisté. Dieu me dit, pendant les moments de prière que vous aurez, il va manifester sa puissance dans la vie de quiconque verra ce programme. J'ai vu beaucoup de personnes en train de prier pendant 3 jours après ces moments de prière. Dieu me dit, ces moments de prière viendra pour déclencher une atmosphère d'exaucement et de témoignage dans l'atmosphère de votre église. Tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Wow. J'entends une chanson, Mokonzi Yamapinga. Qui a chanté ça? Mokonzi Yamapinga. Gloria est où? Alors que j'étais en train de parler, j'ai vu cette chanson dans l'atmosphère. J'ai vu le 15 mars. C'est le 15 mars que j'ai vu la sortie de cette chanson 2025. Je vais parler. Amen. C'était le 15 mars que nous avons vu. 15 mars. Oui. 2025. Oui. Olingo ya Yesu. Oui, c'est 2 mois. Mois de janvier. Oui, 2 mois avant. Le 12 janvier. Oui. Mais Kolo Yesu. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. En 2021. Pendant que j'étais en train de parler des personnes qui vont témoigner, j'étais vous en train de chanter. Mais pendant que tu chantes, j'ai vu comme les micros que tu tenais en train de faire sortir de la poussière. Et j'étais vous en train de crier. Mais pendant que tu criais, beaucoup de personnes n'arrivaient pas à saisir l'écho de ta voix. Et le Seigneur était en train de me dire, il t'a fait une grâce dans le domaine de la musique. Mais tu sens qu'il y a beaucoup de blocages autour de la chose. Je te vois en train de produire, de fournir beaucoup d'efforts. Mais après, tu sens qu'il y a comme beaucoup de choses qui sont en train de t'échapper. Lorsque tu regardes, les épaules que tu pournis et la rémunération après, tu sens qu'il y a un décalage. Le Seigneur me dit de te dire, ce que tu es en train de vivre pendant ces temps, ce n'est même pas la moitié de ce que tu devais expérimenter pendant ces temps ici. Tout simplement parce que les combats de maman Chantal Kamwanga, j'ai vu ces combats en train de te suivre. Tu connais la personne? Chantal. Ma mère. C'est ta mère. Elle est où? À Kinshasa. Elle est à Kinshasa. Oui. J'ai vu les combats de maman Chantal en train de venir dans la direction de ta vie. Alors que tu t'es déjà marié. Mais j'ai vu beaucoup de choses en train de te réclamer pour que tu ne montes pas comme il se doit. Et le Seigneur me dit de te dire, c'est soit il t'a donné rendez-vous pour résoudre ces problèmes. Le Seigneur peut que tu témoignes sa fidélité comme il a prévu que tu manifestes. Que tu manifestes la chose. Amen. Le Seigneur me dit de te dire, après ce moment de prière, il y aura un avant et un après dans le domaine de la musique. J'ai vu beaucoup de personnes en train de chercher ta musique et beaucoup de personnes en train de chercher ton nom. Et Dieu me dit de te dire, ça sera le début d'une nouvelle saison d'exposition. Parce que je te vois, bien que Dieu t'a déjà exposé au niveau national, mais la chose ne donne pas comme il se doit. Je t'ai vu être associé avec un homme qui est très élevé dans la musique congolaise. Mais bien que tu t'es affiché avec cet homme, il y a toujours des choses qui n'évoluent pas. Écoutez maintenant. Il y a un homme et Dieu qui t'a soutenu dans le passé et Dieu veut que tu ailles voir cet homme parce que la prospérité musicale qui doit t'accompagner, j'ai bu la chose dans la bouche de cet homme. Joyce. Joyce. De mon grand frère, l'aîné. Il est une église. Oui, il est pasteur. À Kinshasa. Oui. À Kinshasa. Oui, oui. Dieu me dit de te dire, la prospérité musicale qui doit t'accompagner, c'est cet homme qui doit parler en ta faveur. Après ce moment de prière, le Seigneur veut que tu ailles, que tu aies un moment de prière de 3 jours. Et à la fin de ce moment de prière, que tu appelles cet homme de Dieu qu'il prie pour toi, une saison nouvelle va commencer. Amen. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer. Que le Seigneur te connecte à la bonne personne qui détient la provision de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Wow. Cyril. Il chante. Cyril. Cyril. La Colosse. Il fait quoi, Colosse? Attendez, maman. Il fait quoi, Colosse? Il chante. Il chantait ici. Il chantait ici. C'est papa. Kaba, un Kabalika. Il est parti là-bas quand? voix, je n'entends rien. J'ai vu, pendant que j'étais en train de parler sur la sœur, j'ai vu également ces jeunes. Mais je les vois rater une grande saison de sa vie. Je les vois en train de vivre un temps de l'oubli, où on l'a oublié. C'est un homme qui devait être une référence dans la musique ici. Parce que je les vois en train d'être exposés dans une grande manifestation. Et je les vois pendant qu'ils chantent. Tout le monde l'apprécie, mais après, on l'a oublié. On peut se tenir debout. J'ai bu ce 13 septembre. Un imprévu s'est passé dans votre vie. J'ai bu un complot d'empoisonnement. Mais en cette date-là, le Seigneur me dit de vous dire, ce 13 septembre, restez en prière. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes venir autour de vous. Et je vous vois, on est en train de vous remettre comme un gâteau. Mais lorsqu'on vous remet les gâteaux, j'ai bu comme des gilets à l'intérieur. Et pendant que vous étiez en train de manger ces gâteaux, quelques jours après, je vous vois en train de vomir du sang. Et le Seigneur me dit, ce n'est pas son projet, mais le monde des ténèbres est en train de rechercher votre tête pendant ce temps-ci. Alors que Dieu est en train de vouloir vous élevez encore dans le domaine musical. La pression du monde des ténèbres va augmenter, va s'augmenter pour que vous puissiez mourir. Mais le Seigneur me dit de vous dire, à cause de votre présence ce soir, vous n'allez pas mourir. Le Seigneur ne permettra pas que vous puissiez mourir. Vous n'allez pas mourir. Dieu me dit de te dire, tu ne mourras pas en cette saison. Tu vibreras et l'Ikasi va témoigner, va bénéficier des hauts paix de Dieu dans ta vie. Wow. Tu peux entonner quelque chose? Tu peux entonner quelque chose? Comment? Élevez vos lanternes pour que le les océans rugissent. Sauter, commence à sauter. Come on. C'est à ce niveau qu'il faut poser l'action qui te vient à l'esprit. Si c'est acclamer, tu vas acclamer. Si c'est donner, il faut donner. Si c'est bouger, il faut bouger. Si c'est prier là, il faut prier là. Si c'est se coucher par terre, il faut les faire. Come on. guérison. Déclare ta prospérité. Déclare ton épanouissement. L'homme doit poser une action. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie d'abord sa présence. Wow. chambre haute. C'est des moments de prière. C'est des moments de prière. Et ce soir, même tes offrandes, fais-le comme de feu. Comme tu scelles ta prière. Que ce soit pas une offrande ordinaire. Tu dois parler à ton offrande et déposer en toute attitude de feu et de prière. Ce que tu veux. Ce que tu veux, comme on le faisait dans la Bible, on parlait à l'animal par rapport à ce qu'on voulait. Tu vas parler aussi. Nous allons faire cette offrande dans l'attitude de prière. C'est comme de vœux que nous faisons à Dieu. Pendant que nous sommes en train toujours d'adorer le Seigneur, c'est dans cette atmosphère de puissance. Il y a des choses que tu vas déclarer. C'est comme Samuel a dit à Saül. Samuel a dit à Saül. Quand tu seras dans cette atmosphère, c'est ce que tu as à faire. Fais-le. Oui, attendez. On va le faire maintenant. Dans cette attitude-là. Nous sommes en prière. Nous faisons ces vœux. Tu n'as pas de yoki à nous sommes en train d'adorer les saints. Tu connais ma poudre, tu es la bonne. Et tu connais la prière. Et d'aller à la combat.